Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins qui sont préparés tous les jours par Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Samuel Legendre et Marianne Chassor. À la réalisation cette semaine, Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son Léa Le Foll et Jacques Azubert. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui la première traduction en français de 2 textes du critique italien Renato Serra, paru aux éditions de la revue Conférence, Examen de conscience d'un homme de lettres, ainsi que Départ d'un groupe de soldats pour la Libye. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaire et festival, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et aujourd'hui, c'est une actualité mystère que je vous propose. Et oui, une fois par mois depuis la rentrée, je reçois un invité dont je découvre l'identité avec vous, chers auditeurs, au moment où celui-ci entre en studio. Alors après Denis Moreau qui est venu nous parler du mariage, c'était en octobre, Philippe Artière qui vous a transmis ses rêves d'histoire en novembre, et Dimitri Elmure qui en décembre dernier vous a parlé du dialogue Le Politique de Platon, qui sera mon prochain invité mystère. Et quel livre aura-t-il à porter avec lui? Eh bien c'est le moment de découvrir son identité, cette fois c'est moi qui suis installé en studio, et il va ouvrir la porte. Oh, il est derrière moi. Bonjour. Bonjour. Geoffroy de Laganerie. Oui, c'est moi. Heureusement que je me souviens de votre nom, je vous ai reçu il y a quoi, il y a 6 mois quand vous êtes venu nous parler de Foucault et du néolibéralisme. Exactement. Merci. Alors, vous me tendez un livre. Asseyez-vous pour qu'on puisse vous entendre. Alors, voilà le dernier livre que vous venez de publier. Geoffroy de Laganerie, L'art de la révolte, Snowden, Assange, Manning. Aux éditions Fayard, dans la collection à venir. Absolument. Alors, ce qui est super, c'est que j'ai jamais ouvert cet ouvrage. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Eh bien, on va l'explorer ensemble et on va... Voilà. Alors, quand est-ce qu'il est paru? Eh bien, il est paru il y a 4 jours. Il est paru lundi, en fait. C'est un tout nouvel ouvrage qui vient de paraître. Alors, moi, je ne peux pas lire le titre sans penser aux événements qui sont arrivés à la rentrée, notamment avec les rencontres de Blois. Hein, peut-être que, ça vous ennuie peut-être d'en parler, mais en même temps, c'est peut-être bien de resituer. Vous parlez de l'art de la révolte dans ce livre et la polémique qui a eu lieu avec Marcel Gauchet avait trait à la révolte, n'est-ce pas? Oh, franchement, pour moi, c'est une histoire un peu dépassée qui a été un moment, je pense, important d'insurrection contre un certain nombre de dispositifs qui tendent à convertir des opinions réactionnaires en idées discutables. Mais bon, là, j'affronte un certain nombre de questions, à mon avis, beaucoup plus importantes, qui sont la question de la guerre contre le terrorisme, de la démocratie, de la théorie politique. Pour moi, c'est ça, faire du débat, c'est publier des livres, discuter avec des auteurs, se donner son propre espace de réflexion. Et c'est beaucoup plus important que des polémiques qui sont pour moi maintenant derrière moi. Donc vous abordez la question du terrorisme dans cet ouvrage? Absolument, oui. Donc là, une des questions qui est importante dans ce livre, c'est de quelle manière est-ce qu'un certain nombre de mesures ont été prises par les États en invoquant la lutte contre le terrorisme pour faire proliférer un certain nombre de mesures d'exception? Et la question que j'essaye de poser dans ce livre, c'est qu'est-ce que ce serait de faire vivre une politique et une éthique démocratique à l'heure de l'invocation de lutte contre le terrorisme? Et ce que j'essaie de dire, c'est que des gens comme Snowden, comme Assange ou comme Manning sont des gens qui nous alertent nous-mêmes sur de quelle manière est-ce qu'on peut ne pas trahir les idéaux démocratiques dans le moment où les États invoquent l'idée d'une guerre contre le terrorisme ou la sécurité nationale, et de quelle manière ces types de rhétoriques également vont restreindre l'espace de la dissidence, l'espace de la discussion, l'espace de la contestation. Donc comment réinventer les démocraties quand les États eux-mêmes se transforment au moment d'une guerre contre le terrorisme? Alors je pense que c'est un livre qui évidemment trouve une résonance particulière dans le contexte qui nous arrive depuis les attentats contre Charlie Hebdo puis l'hypermarché Kacher, puisque je crois que ce livre, en quelque sorte, il nous dit qu'on a 2 futurs devant nous. Soit on va répéter les erreurs que Snowden, Assange et Manning ont révélé, soit on peut, puisqu'on a quand même cette espèce de, non pas de privilège, mais de chance en quelque sorte, d'arriver 14 ans après les États-Unis et les attentats du 11 septembre. Donc nous savons déjà comment un certain nombre de mesures d'exception ont été des échecs éthiques et des échecs stratégiques. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre appui sur ce qu'ils ont révélé pour réinventer une autre manière de gérer cette question et le traumatisme qui nous arrive ? Alors, avant d'aller plus loin, quel est le point commun entre Snowden, Assange et Manning ? Peut-être pour les présenter rapidement tous les trois ? Alors, tous les trois sont des individus qui sont perçus comme des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire des individus qui se sont à un moment mobilisés pour faire un certain nombre de révélations sur les dysfonctionnements de l'État, sur la manière dont les protections constitutionnelles et les grands principes des constitutions libérales ont été bafoués, en fait, par les États et qui ont critiqué les notions de services secrets, les notions de surveillance généralisée. Mais moi, mon hypothèse que j'avance dans ce livre, c'est qu'au-delà de la question de l'objet de leur contestation, c'est-à-dire des motifs de leur action, il y a quelque chose en eux qui est singulier, et en ça, ils sont ni des désobéisseurs civils, ni des lanceurs d'alerte, qui est d'inventer une nouvelle manière de se révolter, une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle manière de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un sujet politique. Et c'est pour ça que ce que j'essaye d'avancer dans ce livre, c'est qu'on peut être en désaccord avec les objets de leur lutte, mais on peut aussi être attentif à leur manière d'être des sujets politiques, à leur manière d'être intervenus, et comment est-ce qu'ils ont mis en crise la scène politique telle que nous la connaissons, la manière dont traditionnellement nous pensons la politique, pour faire émerger de nouvelles subjectivités. Mais par exemple, concrètement, disons, prenons le cas de Chelsea Manning, par exemple. Oui, Chelsea Manning, c'est une analyste militaire qui était engagée dans l'armée et qui a eu connaissance d'un certain nombre d'actions illégales produites par l'armée. La grande révélation que nous avons eue tous en tant que démocrates grâce à elle, c'est par exemple une vidéo qui s'appelle Collateral Murder, où on voit un hélicoptère de l'armée américaine abattre à vue 18 civils à un arrêt de bus à Bagdad, des gens non armés et deux reporters de l'agence Reuters. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, évidemment, c'est d'abord que Chelsea Manning a voulu protester contre la façon dont l'armée commettait des actes illégaux et impunis. Donc on peut d'abord dire effectivement que c'est une protestation contre un dysfonctionnement de l'État. Mais pour moi, la deuxième question qui se pose immédiatement, c'est qu'il y a une nouveauté très forte et très importante qu'il faut prendre en compte dans l'action de Chelsea Manning, c'est qu'elle a agi anonymement. C'est-à-dire qu'en ayant eu connaissance de la manière dont il y avait ces dysfonctionnements, plutôt que de protester publiquement, plutôt que d'organiser des manifestations, plutôt que de désobéir civilement, et on pourra y revenir, elle a choisi de passer par Wikileaks, donc une organisation qui dit qu'il faut laisser la capacité aux gens de faire des fuites de manière anonyme, donc de ne pas se constituer comme sujet public au moment même où ils agissent politiquement. Et pourquoi c'est important ça de garder l'anonymat lorsqu'on dénonce un dysfonctionnement de l'État ? C'est une des questions qui est très... pour moi, c'est vraiment une innovation politique. La question de l'anonymat est une innovation politique d'aujourd'hui, qu'il s'agit de comprendre sur aujourd'hui. Et en quoi c'est une question qui est très importante ? C'est que souvent, on associe la pratique de l'anonymat au manque de courage, par exemple, ou à la délation. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut partir de l'anonymat pour interroger les injonctions implicites qui pèsent sur le sujet politique ? Par exemple, l'injonction au courage, etc. Or, la question que je me suis posée, moi, c'est à quelles conditions est-ce que Chelsea Manning a été possible ? À quelles conditions est-ce qu'on peut faire proliférer de nouvelles Chelsea Manning et donc de nouvelles connaissances ? Et il est évident que si vous installez une scène politique où le sujet politique doit apparaître devant les autres, doit se mobiliser, doit en quelque sorte se sacrifier ou prendre le risque de répression au moment même où il s'engage, eh bien vous limitez la capacité à un certain nombre de choses d'apparaître, alors que l'anonymat, c'est une technique qui permet en fait de faire rentrer de nouveaux sujets dans l'espace de la contestation, qui permet de faire proliférer les énergies contestataires. Et c'est en ça que ça m'a beaucoup intéressé, c'est comment ça permet en fait de mettre en crise un impensé de la théorie politique qui est le rapport entre démocratie et espace public. Est-ce qu'il est vrai que la démocratie, c'est un espace public, l'espace de l'apparition, l'espace de la discussion avec les autres ? C'est ça. Qu'est-ce que ce genre de rhétorique qu'on voit en fait depuis Kant, Rousseau, jusqu'à Hannah Arendt, par exemple, qui conforte une scène politique où la politique est pensée sur le mode de la discussion avec les autres, de l'interaction, de l'apparition du citoyen qui s'engage publiquement. Mon hypothèse, c'est qu'est-ce qu'il y a de non démocratique dans ce type de scène et comment donc s'invente aujourd'hui une nouvelle scène. Donc la première chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est que le point de départ de cet ouvrage, c'est de faire une ontologie du présent qu'est-ce que c'est qu'essayer de penser le présent et ce qui nous arrive. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être écouter l'un des premiers extraits que j'avais. Voilà, vous êtes venu avec plusieurs sons qu'on peut écouter. Donc, mais on va revenir quand même à cette idée de la dissociation entre finalement la personne et l'action. Si je comprends bien, c'est ça. C'est qu'il faut essayer, l'image rendrait vulnérable et il faut dépersonnifier l'action pour qu'elle soit efficace. C'est passionnant en tout cas. Donc écoutons le premier son que vous avez apporté. La philosophie moderne. Peut-être depuis le jour où Kant a posé la question Basis der Aufklärung, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que notre actualité, qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que c'est que notre présent. Il me semble que la philosophie a acquis là une dimension où que s'est ouverte pour elle une certaine tâche qu'elle avait ignorée ou qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. C'est évidemment une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes. C'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que l'Aufklärung, et c'est une question qui est en un sens la question de Hegel. Qu'est-ce que c'est que le maintenant ? Oui. C'est la question aussi de Nietzsche. Bon, et je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle-là, de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et dans notre actualité. Alors j'ai reconnu la voix de Foucault, évidemment, vous nous direz d'où ça vient, mais c'est assez émouvant de l'entendre aujourd'hui dire cela, aujourd'hui, quelques semaines après les attentats de Charlie Hebdo et ensuite dans le supermarché Cacher, où justement les philosophes s'interrogent sur le rôle qu'ils ont à jouer face à ces événements. Absolument, je pense que c'est vraiment un entretien qu'il a donné à l'Université catholique de Louvain dans les années 80, où Foucault essaye de beaucoup réfléchir sur le rapport entre philosophie et présent. Et pour moi, c'est en effet une question extrêmement importante. Ce que j'essaie de mettre au début, en fait, de mon livre, c'est la question de l'émotion. C'est-à-dire que penser le présent, c'est qu'est-ce qui nous émeut ? Par quoi est-ce qu'on est traumatisé ou par quoi est-ce qu'on est traversé par une émotion ? Je pense que l'émotion, c'est... Moi, le livre, il est vraiment parti du fait que quand apparaissait l'image de Snowden, ou quand apparaît l'image de Assange, ou quand apparaît l'image de Manning, dans le monde entier, les gens se sont sentis interpellés, se sont sentis émus par leur sort, se sont sentis pas traumatisés, mais il y avait une forme d'affection. Donc le présent, c'est d'abord l'affection et l'émotion, c'est ça ? Et oui, pour une raison simple, c'est qu'à mon avis, quand on est dans l'affection, pour moi, c'est le fait qu'il y a une crise du langage. C'est-à-dire que comme on ne sait pas comment nommer les choses, comme on n'a pas les catégories pour s'approprier ce qui arrive, eh ben, on répond par « on est interdit », »,« on est quoi ?» On fait « qu'est-ce qui se passe ?» Et comme l'émotion, c'est la traduction du fait qu'on n'a pas les catégories pour penser ce qui arrive. Et devant ce type d'événement-là, il y a deux tendances, en fait. La première tendance, c'est de tout de suite rabattre sur des catégories connues. C'est-à-dire, par exemple, sur mes personnages, ça va être de dire « voilà, c'est des lanceurs d'alerte ou c'est des désobéisseurs civils », qui est de recréer du sens en utilisant un langage préexistant pour incorporer l'inédit dans du déjà connu. Pour le domestiquer, pour arriver exactement, à le penser. Exactement, c'est la seule manière de domestiquer l'émotion. C'est de, en quelque sorte, le ramener à du déjà connu. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est au contraire essayer de dire, partons de cette émotion pour voir qu'est-ce qu'il y a d'inédit en eux. Qu'est-ce que justement nous ne connaissons pas à travers eux et comment ils peuvent nous permettre de réinterroger nos catégories et de penser autrement. C'est pour ça que par rapport à l'idée de Foucault que je trouve très belle de diagnostiquer le présent, moi, mon idée, elle serait que ce que j'essaie de diagnostiquer, c'est qu'est-ce qui déstabilise notre présent plutôt ? Ce n'est pas le stabiliser, c'est essayer de dire ces figures que sont Snowden, Assange et Manning, elles introduisent une crise dans notre scène politique et en quelque sorte, elles déstabilisent ce que nous connaissons, elles incarnent en quelque sorte le futur, c'est-à-dire quelque chose du futur, de l'avenir, de l'inédit qui vient troubler notre scène et qui nous permet à la fois d'essayer de comprendre quelque chose de nouveau et en même temps d'interroger nos manières traditionnelles de penser. Donc ma question c'est, qu'est-ce qui déstabilise ? Quels sont les lieux et les zones de trouble dans notre présent et comment à partir de là on peut réinventer la théorie politique et réinventer des manières de penser un certain nombre de questions. La première partie de votre affirmation paraît claire aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous déstabilise ? On est tous déstabilisés par les événements récents qui ont eu lieu donc après que vous ayez écrit votre livre. Oui. En revanche, la deuxième partie de ce que vous dites, c'est justement comment essayer de faire sens à partir de ce qui s'est passé. C'est ça qui paraît fondamental. Alors juste une question qui paraît peut-être plus large, mais ça rebondit sur ce que disait Foucault. Que peut le philosophe face à ça ? Comment le philosophe peut-il constituer l'événement et lui donner un sens ? Je ne suis pas sûr que la tâche de la philosophie soit de donner du sens. Moi, je pense que la tâche de la philosophie, c'est de défaire le sens, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement une question d'interprétation. Le sens, pour moi, c'est toujours une catégorie potentiellement problématique parce qu'elle a un rapport avec le fait de rassurer, en quelque sorte. Ce n'est pas la signification, le sens. Oui. Le sens peut être ouvert quand la signification est plutôt close. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais je ne dirais pas que la question, c'est le sens, c'est de conserver la puissance de désorientation de l'événement. Voilà ce que je voudrais dire. C'est que moi, mon objectif dans ce livre, c'est de transformer la crise politique que ces lanceurs d'alerte ont ouvert sur la scène théorique et essayer de conserver leur puissance de déstabilisation pour déstabiliser la théorie politique et à partir de là, imaginer de nouvelles choses. Donc pour moi, ce serait moins donner du sens que de conserver la force traumatique pour en faire un événement de pensée qui peut continuer et nous permettre de penser autrement. Alors c'est vrai que le... Pourquoi est-ce que ça m'a semblé intéressant de me consacrer sur ce type de personnes ? C'est parce que dans la théorie contemporaine, on a assisté ces derniers temps à un type de fascination pour d'autres types de rassemblements qui sont les rassemblements sur les places. Il y a eu dans la théorie politique une fascination pour les printemps arabes, pour Occupy Wall Street, pour les indignés, qui ont été conçus comme les lieux essentiels de la réinvention de la politique. Et souvent, Occupy Wall Street ou la place Tahrir, etc., ont été perçus comme les lieux de la réinvention de la scène politique aujourd'hui. Et ce que j'ai voulu, moi, interroger, c'est qu'est-ce type d'imaginaire politique stabilise cette fascination pour les places, cette fascination pour les rassemblements populaires, et comment est-ce qu'au contraire, peut-être, un certain nombre de démarches solitaires, isolées, particulières, comme celle de Snowden, d'Assange et Manning, peuvent être des lieux de la réinvention démocratique beaucoup plus forte. Et c'est un peu ce que je voudrais proposer dans le deuxième extrait, qui est sur la question du mouvement Occupy. Cette journée de manifestation, Occupy Wall Street, la voulait symbolique à plus d'un titre. Fermez-le, crie la foule en montrant du doigt le New York Stock Exchange. La police a pour consigne de ne pas hésiter, elle arrête ceux qui insistent. Ils ne comprennent pas qu'on est pacifique, ni même comment gérer un positionnement latéral. Ils savent faire que quand il y a une personne qui a le pouvoir. Et le parc, eh ben, c'est plus un symbole qu'on récupère notre pays. L'occupation, à ce stade, c'est un acte, retrouver notre voix. Donc pas une série de tentes dans un parc. Nous rassembler, élever la voix, dans les assemblées publiques, dans les réunions d'école, dans les conférences de presse, tous ces endroits où on attend de nous qu'on s'assoie et qu'on se taise. Le soir, dernière étape, Occupy Wall Street a reçu le soutien dont il avait besoin pour faire nombre, les syndicats. 10 000 personnes finissent par traverser triomphalement le pont de Brooklyn. On gagne parce qu'on a changé le thème de la conversation. Les gens maintenant parlent de taxer les riches, d'impôts équitables, de mettre fin au règne des grandes entreprises. En changeant la conversation, on changera bientôt les politiques. À New York, Fabienne Sintès, France Inter. It is truly an honor to be among you this afternoon. For you are reinventing our political universe. You have renewed our collective passion. You have reminded us that it's still possible to build vibrant communities of resistance. You continue to show us your commitment, your dedication, your collective labor, your refusal to assent to class hierarchy, racial hierarchies, gender hierarchy, sexual hierarchies. Your movement calls upon the majority to stand up against the minority. The old minorities are the new majority, and so we say no to Wall Street. We say no to big banks. We say no to corporate executives making $1 million a year. We say no to student debt. We say no to eviction. No to police violence. No to global capitalism. We say no. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Aujourd'hui, je viens de découvrir mon invité mystère, Geoffroy de Laganerie, l'auteur de L'art de la révolte, Snowden, Assange et Manning, un livre disponible aux éditions Fayard et qui tombe absolument à propos, je dois dire. Je suis ravi de ce choix et de vous recevoir par surprise, Geoffroy de Laganerie. C'est vous qui avez choisi alors le son qu'on a écouté avant et cette chanson que nous sommes en train d'écouter. On va y revenir dans un instant, peut-être vous pouvez nous dire qui chante. C'est Mandel Turner. As the 99%, there are major responsibilities linked to your decision to assemble here in community. So how can we be together? Different. differences must not be merely tolerated, but seen as a fund of necessary polarities between which our creativity can spark like a dialectic. Bon, je pense que nos auditeurs anglophones auront compris que la chanson a un lien direct avec ce qu'on a entendu avant, Geoffroy de la Canerie. Donc si je vous suis, si je récapitule depuis le début de l'émission, l'action anonyme serait plus efficace que l'action, disons, publique. Et aussi l'action singulière, individuelle, serait aussi plus efficace que les rassemblements publics, c'est ça? Alors, plus efficace, je ne sais pas, j'ai pas essayé d'avoir une pensée normative, mais peut-être un mot pourquoi j'ai choisi ce son qui me semble très important. C'est issu d'une œuvre d'une artiste qui s'appelle Sylvie Blocher, qui expose en ce moment une grande monographie au Musée d'art moderne du Luxembourg, que j'ai eu la chance de voir. Et c'est une œuvre qui s'appelle Les Speeches, dans laquelle, en fait, elle fait reperformer par des chansons des grands discours politiques par un certain nombre d'artistes. Donc, par exemple, il y a le manifeste du Parti communiste, il y a la Convention de Genève sur les réfugiés, il y a un discours d'Obama sur sa couleur, la question de la race. Et il y a cette chanson de Mandel Turner qui est un discours d'Angela Davis qu'elle a prononcé devant Occupy Wall Street. Alors ça me semble très intéressant, c'est très beau parce que c'est toute une réflexion dans cette œuvre sur qu'est-ce que c'est que construire un corps politique, qu'est-ce que c'est qu'une voix, qu'est-ce que c'est que la prolifération par un discours de construire une communauté, par l'invocation, par la construction d'un nous, d'un corps qui s'affirme comme corps politique. Et moi ça m'a semblé très intéressant parce que je crois que ce type de discours ou de scène politique fonctionne avec un certain nombre de catégories traditionnelles de la théorie politique qui sont en fait les catégories du nous, de la communauté, de l'espace public, de la citoyenneté. Et comment dire, je m'interroge sur si ces types de mouvements nous fascinent et nous émeuvent, c'est parce qu'ils confortent notre manière spontanée qu'on a de penser la politique et la manière dont la théorie politique a été construite depuis le kantisme, en quelque sorte. Et c'est-à-dire avec une forme d'universalité Je crois que les grandes catégories, pour moi, c'est espace public, organisation de la communauté, organisation des lois qui gèrent la communauté, citoyenneté. Et voilà, en gros, c'est ça la base, si vous voulez, de la philosophie politique. Et les dissensus vont être sur les types de lois, vont être sur comment est-ce qu'on organise la justice dans la communauté qui est donnée, comment est-ce qu'on organise les types de régimes, qu'on les hiérarchise, etc. Ça définit en quelque sorte l'épistémé de la théorie politique. Et mon hypothèse, c'est que cette épistémé, elle entre en crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, à travers ces personnages exemplaires que j'essaye d'analyser, la possibilité de penser autrement la question politique, de faire émerger de nouvelles questions politiques. Et c'est un événement qui est amusant, c'est qu'en même temps que paraît mon livre, paraît la réédition de « Qu'est-ce que la politique » d'Anna Arendt, aux éditions du Seuil. Et c'est vraiment pour moi je ne sais pas comment le dire, mais elle est vraiment dans la réexploration et la réutilisation de tous les grands motifs de la théorie politique traditionnelle qui font le fond de ce qu'on appelle une théorie politique. Et mon livre, en quelque sorte, c'est, j'espère, l'émergence et l'ouverture d'une nouvelle manière d'aborder la politique qui va échapper aux catégories du nous, aux catégories de l'espace public, aux catégories de la fusion, aux catégories de la communauté, à la catégorie de la citoyenneté, et donc d'ouvrir de nouvelles questions politiques pour faire émerger une nouvelle théorie politique aujourd'hui. Mais en quoi est-ce qu'une action individuelle pourrait avoir une portée politique telle qu'elle remette en question les catégories traditionnelles de la philosophie politique sans forcément contester, disons, la démocratie à sa base? Ou alors est-ce que c'est ça ce que vous souhaitez également? C'était jusqu'où allez-vous dans la remise en question des catégories traditionnelles de la philosophie politique? Mais en fait, ma question, ça va très loin, je pense. Moi, ce que j'essaie de poser comme question, c'est de quelle manière est-ce que les catégories traditionnelles de la politique tendent à dépolitiser un certain nombre de gestes? C'est-à-dire, à quoi est-ce que nous allons accorder le statut de politique d'une action et à quelles conditions, d'entre termes, nous dépolitisons un certain nombre d'actions? Par exemple, si nous réduisons la politique à la question du rassemblement collectif, de « we the people », de la construction d'un peuple, on va dépolitiser, par exemple, les actions solitaires, qui vont être considérés comme non politiques parce que la politique, ce serait l'entrée justement sur la scène d'un collectif. Or, moi, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que, par exemple, le geste de Snowden qui part à Hong Kong, c'est-à-dire qui migre de façon solitaire à Hong Kong pour refuser d'être traduit devant la justice américaine, est un geste éminemment politique qui pose la question de l'appartenance, de à quelle communauté j'appartiens, de qu'est-ce que c'est que répondre devant la loi d'un certain nombre de ces actes, et donc qu'est-ce que c'est que constituer comme politique ce geste solitaire. Par exemple, un geste d'un hacker qui solitairement va hacker un site est pour moi un geste éminemment politique et que nous ne voyons pas comme politique si nous réduisons la politique à l'apparition publique, par exemple. Donc la question que je me pose, c'est de quelle manière est-ce que la théorie politique traditionnelle fonctionne avec des effets de dépolitisation et aussi entrave des capacités d'action parce qu'elle nous dépossède d'un certain nombre de questions politiques qu'il faut essayer de reposer aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est l'un des enjeux qui est très important, c'est en gros reprendre la tâche d'une radicalisation de l'exigence démocratique contre la manière dont la démocratie est traditionnellement pensée. Mais jusqu'à ce qu'il reste de la démocratie dès lors qu'il s'agit d'une action individuelle ? Est-ce que la démocratie n'est pas par essence non seulement collective et contractuelle ? Alors justement, c'est une question qui est un peu au centre de mon livre. C'est quand on réfléchit sur les grandes théories du contrat social, sur la théorie de la politique, que ce soit chez Rousseau, bien sûr, que ce soit chez Rawls ou dans d'autres théories contemporaines, on constate que la question politique, elle est toujours posée de la même manière. C'est un certain nombre d'individus sont amenés à devoir cohabiter. Et comment est-ce qu'on organise cette cohabitation ? Donc le contrat social, par exemple, dit un état de nature fait que des gens se rassemblent. Et donc comment est-ce qu'on gère pour organiser cette pluralité ? L'organisation de la pluralité, c'est aussi le mot de Kant. Et par exemple, dans la théorie de la justice de Rawls, vous avez cette idée qui présuppose à la base de sa théorie ce qu'il appelle une société close et autosuffisante. Donc les individus sont amenés à devoir cohabiter les uns avec les autres. Et donc comment est-ce qu'on gère et quel type de système est juste pour organiser la non-interférence d'un groupe sur un autre, etc. Alors, c'est très intéressant, évidemment, mais ce qui me frappe, moi, dans ce genre de discours, c'est que n'est jamais posée la question de l'appartenance, et c'est-à-dire qu'on étend l'espace de la démocratie à tout, sauf à la question de qui contracte avec qui, de à quelle communauté j'appartiens, de pour quelle raison est-ce que je devrais faire partie de tel État, de telle nation. Et donc, je pense qu'il y a un inconscient étatique et national dans la théorie politique qui considère l'appartenance et avec qui je dois cohabiter comme un donné, et qui ensuite dit, vous êtes né en France, par exemple, donc la France, c'est votre pays, et votre question politique, c'est seulement comment organiser au mieux les lois françaises. Mais ce geste-là est un geste de dépolitisation de la question de pour quelle raison est-ce que le fait d'être né en France, qui est une imposition arbitraire de l'État, devrait m'obliger, en quelque sorte, à faire partie de ce collectif. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas contractuelle la question du contrat social, de avec qui nous contractons, et de démocratiser la question de l'exigence démocratique. Alors il y a un extrait que j'avais proposé, que c'est John Kerry, qui réagit au geste de fuite, justement, de Snowden, et qui me semble très important sur comment l'État réagit à des individus qui refusent le fait de faire partie de l'État. What he's done is hurt his country. What he's done is expose for terrorists a lot of mechanisms which now affect operational security of those terrorists and make it harder for the United States to break up plots, harder to protect our nation. If this man is a patriot, he should stay in the United States and make his case. Patriots don't go to Russia. They don't seek asylum in Cuba. They don't seek asylum in Venezuela. They fight their cause here. There are many a patriot. You can go back to the Pentagon Papers with Dan Ellsberg and others who stood and went to the court system of America and made their case. Edward Snowden is a coward. He is a traitor, and he has betrayed his country. And if he wants to come home tomorrow to face the music, right, he can do so. Geoffroy de la Gannerie, vous voulez nous traduire ce que vient de dire Kerry ? C'est un texte qui, pour moi, c'est un extrait qui est magnifique. Je pense que ce n'était pas utile de le traduire. Il fallait bien entendre la voix de Kerry. On entend son exaspération. On entend une forme de pulsion de haine, enfin une pulsion répressive qui envahit, qui est quand même le secrétaire d'État américain démocrate. Donc voilà. Et ce qui est très frappant, c'est sur quoi est-ce qu'il met la charge d'angoisse la plus forte ? Sur quoi est-ce qu'il est le plus traumatisé, Kerry ? Qu'est-ce qu'il supporte pas ? Au tout début, il dit il a affaibli nos systèmes de sécurité, d'accord ? Mais très vite, il passe à une deuxième chose qui est c'est un traître, c'est un lâche, ce n'est pas un patriote parce qu'il est parti en Russie, il a demandé l'asile à Cuba et au Venezuela et il n'a pas plaidé sa cause ici, dans son pays. Et si jamais il était un patriote, il devrait plaider sa cause devant les cours américaines, et il ne devrait pas partir. Alors, moi, ça me semble une question évidemment très, très intéressante, parce que la question que je me pose, c'est d'où vient cette idée, pour moi, aberrante, selon laquelle son territoire naturel à Snowden, ça devrait être les États-Unis, plutôt que la Russie, plutôt que Hong Kong, plutôt que le Venezuela. C'est-à-dire, d'où vient cette idée selon laquelle le fait que, de façon de pur hasard, de façon contingente, il soit né sur le sol américain et que l'État lui ait imposé un passeport et une nationalité lui imposerait des obligations morales vis-à-vis de quelque chose qui s'appellerait son pays, et de quelle manière est-ce que ce type de rhétorique dépossède les individus de la capacité à se réapproprier la question de leur appartenance, de leur identité. Donc il faudrait que chacun puisse choisir son appartenance, sa patrie, son identité civile. Alors, mon discours n'est pas normatif. En fait, moi, j'essaie d'en faire un analyseur de la manière dont opère la violence de l'ordre social, politique et juridique, qui est que effectivement le droit est une instance protectrice, le droit est une instance importante, le droit nous protège d'un certain nombre d'agressions extérieures qui peuvent nous arriver, mais il faut jamais oublier le fait que le droit c'est d'abord un fait de violence, qui est la violence d'une appartenance obligatoire, c'est-à-dire que nous sommes constitués comme objet de l'État, comme appartenant à un État, et nous sommes dépossédés au fait même de naître, de la capacité à choisir sa nationalité, son appartenance. Et là où il y a une grandeur du geste de Snowden, c'est que précisément, c'est quelqu'un qui a dit « Eh ben moi, je ne reconnais pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette nationalisation de mon appartenance et je veux me donner à moi-même ma propre appartenance, ma propre nationalité. Je veux faire entrer dans l'espace de la politique une question qui est traditionnellement dépolitisée, qui est la question de la nationalité. Et c'est un geste qui est éminemment politique et éminemment démocratique, puisqu'il va étendre la question du choix à la question de l'appartenance. Pour moi, c'est vraiment un geste très... ça met en crise. Et je pense que... l'une des questions qui m'intéresse, c'est pour quelles raisons est-ce que les États ont déclenché une énergie répressive aussi forte ? Contre Manning, par exemple, il ne faut pas oublier que Chelsea Manning a pris 35 ans de prison pour avoir révélé des crimes de l'armée américaine et que le procureur avait dit qu'elle méritait 60 ans parce qu'elle a trahi son pays. Snowden est poursuivi comme ennemi des États-Unis, donc risque la peine de mort. Assange également. Donc il y a une espèce de disproportion éclatante entre l'appareil répressif qui tombent sur ces individus, et les actes, qui sont des actes qui ont augmenté notre espace de la connaissance, l'espace de la délibération, l'espace de la démocratie. Et comment est-ce qu'on explique cette disproportion ? Comment un État démocratique comme les États-Unis, évidemment c'est un des grands États démocratiques, il ne s'agit pas du tout de le nier, peut poursuivre avec une telle violence des gens qui réinventent l'exigence démocratique. Et mon hypothèse, c'est que précisément, c'est parce qu'ils déstabilisent l'emprise que les États exercent sur nous. C'est-à-dire qu'en disant « je ne veux pas comparaître », en disant « je fuis », en disant « je ne reconnais pas le droit des États-Unis de me juger », eh bien, ils mettent en crise le fait que les États aient propriétaire de nos vies et de nous-mêmes. Et donc, les États, ça leur échappe, en quelque sorte. Et donc, il s'agit de les recréer comme sujet responsable, de dire « tu seras un citoyen, tu n'échapperas pas aux États-Unis, je te jugerai et je ne te reconnais pas le droit de te donner le droit d'échapper au droit ». Est-ce que le mot-clé pour comprendre ce geste-là, enfin en tout cas le geste de ces trois personnages, Snowden, Assange et Manning, c'est celui de révolte justement, parce que votre livre s'appelle « L'art de la révolte qui consisterait à ébranler un système en place, une manière de fonctionner qui est extrêmement coercitive et qui réduit finalement la liberté des individus sous couvert de la protéger, mais la révolte aussi dans ce cas-là de temporaire, puisque ce que vous dites, les figures que vous prenez et que vous analysez dans leur vertu, disons, elles n'ont pas vocation à durer. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'État propose est aussi une forme de peut-être de durabilité qu'une action individuelle ne peut pas permettre. Je pense que l'une des choses qui est très très importante, c'est ce que vous avez dit au début, c'est que on ne mesure pas à quel point il y a des cadres de l'action politique. Et moi, ce qui me frappe, c'est peut-être à quel point la politique est l'un des domaines les plus codifiés de la vie sociale et qu'il existe un certain nombre de cadres qui prescrivent la manière dont, en démocratie, il faut s'exprimer pour être reconnu comme un sujet politique. C'est ce que les sociologues ou les historiens appellent, après Charles Tilly, les répertoires de l'action collective. Donc il y a un certain nombre de manières par lesquelles les sociétés instituent les manières légitimes d'exprimer une opinion en démocratie. Et le fait d'être un sujet politique, c'est le fait de reprendre ces cadres et de les utiliser pour exprimer un certain nombre de discours. C'est la manifestation, c'est le lobbying, c'est la pétition, c'est le rassemblement, etc., qui sont effectivement des formes prescrites en fait, de la contestation en démocratie. Je crois que la forme qui va le plus loin dans ce qui est autorisé par la démocratie libérale, c'est la désobéissance civile, sur laquelle je consacre un passage important. Vous en parlez dans votre livre. Absolument. Ouais. Et on va y venir juste après. Ouais. Mais alors, plus pour terminer là-dessus, je pense que nous ne mesurons pas à quel point nous sommes pris par un dispositif de la politique qui régule en fait l'expression des opinions, et que ce qu'ont fait Snowden, Assange et Manning, c'est d'interroger la scène. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus subversif souvent d'interroger les dispositifs de la démocratie que de dire même des choses révolutionnaires dans des formes conventionnelles. Toucher la scène, toucher les dispositifs de la politique, toucher les modalités de l'expression, c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup plus comment le pouvoir fonctionne que de dire des choses même révolutionnaires dans les formes les plus traditionnelles. Alors, et c'est pour ça que l'un des enjeux importants de ce livre, c'est d'essayer de faire une réévaluation de la tradition de la désobéissance civile pour comprendre qu'est-ce qu'elle peut avoir en fait de conventionnel et de tout à fait potentiellement conservatrices et comment eux se sont libérés de cette scène. Et c'est j'avais proposé un extrait de Soros. Bah, c'est ce que j'allais vous dire justement, qui lui prône la désobéissance civile en disant qu'il n'est pas d'accord avec justement une des lois que passe son pays et il préfère aller passer même une nuit en prison en désobéissant plutôt que d'obéir à cette loi qui s'impose à lui. Exactement. C'est un premier exemple de la désobéissance civile. Alors c'est le texte, donc on l'écoute. Ah bah écoutons-le. Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison. La place idoine aujourd'hui, la seule place que le Massachusetts ait fournie à ses esprits les plus libres et les moins serviles, ce sont ses prisons, pour être rejetés et enfermés hors de l'État par lui-même, car ils s'en sont déjà retirés par leurs principes. C'est là que l'esclave fugitif, que le prisonnier mexicain en liberté conditionnelle, que l'Indien venu plaider les torts subis par sa race, les trouveront. En ce lieu séparé, plus libre et plus honorable, où l'État situe ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. La seule demeure d'un État esclave où l'homme libre puisse résider avec honneur. Et s'il en est pour croire que leur influence s'y dissipera, que leur voix n'agacera plus l'oreille de l'État, qu'ils ne seront plus des ennemis dans ces murs, ils ignorent combien la vérité est plus forte que l'erreur et combien supérieure dans le combat contre l'injustice par l'éloquence et l'efficacité. Jetez votre vote, pas un simple bout de papier, mais toute votre influence. Une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est du reste plus une minorité. Mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. Si l'alternative était de mettre tous les justes en prison ou renoncer à la guerre et à l'esclavage, l'État ne balancerait pas dans son choix. I am a GI rebel, as brave as I can be. And I don't like the army press and the generals don't like me. Oh, join the GI movement, come and join the GI movement. Join the GI movement, join the GI movement. The damnedest situation the army ever saw. We're beaten by our officers and framed up by the law. Oh, join the GI movement, join the GI movement. Join the GI movement, come and join the GI movement. We had to sign petitions and put up such a fight just to pass around a paper that contained the Bill of Rights. So join the GI movement, join the GI movement. Join the GI movement, come and killer. If you can't make that grade, you wind up sleeping on the floor down in the old stockade. Oh, join the GI movement. Geoffroy de la Gannerie, on va revenir sur le texte de Taureau interprété par Jean-Louis Jacopin qu'on vient d'écouter. Mais quelle est la chanson que vous avez proposée qui suit là cet extrait ? C'est une chanson de Barbara Dane, qui est une grande chanteuse contestataire américaine qui s'appelle Join the GI Movement, où elle chante en fait avec des militaires en désertion au moment de la guerre du Vietnam au Canada. Et c'est eux qui font les chœurs en fait. Join the movement, well, they called me a Chinese red. Oh, join the GI movement, join the GI movement. Mais alors, ce qu'il faut comprendre pour en revenir au texte de Thoreau, c'est que lorsqu'il désobéit à l'État américain parce qu'il est en désaccord, dans mon souvenir, avec une loi justement par rapport au Mexique. Hein. Je crois que c'est ça. En fait, c'est à la fois la guerre contre le Mexique et c'est à la fois l'esclavage. Voilà. Mais lorsqu'il désobéit, il sait qu'il va finir en prison. Il le fait. C'est là où une action individuelle peut être politique, c'est qu'il a tout à fait conscience des fins poursuivies par son action qui, elle, consiste à désobéir à la loi. La désobéissance civile, ça me paraît être un mode de contestation très important pour ma réflexion, parce que je pense que c'est celle qui met en œuvre la figure du sujet qui est prescrite par le système des démocraties libérales, mais qui va le plus loin possible dans ce qui est autorisé en fait par l'espace des démocraties libérales. Il y a dans ce texte de Soros, mais c'est aussi bien sûr le texte de Rawls dans Théorie de la justice, où il formalise en fait qu'est-ce que c'est qu'un acte de désobéissance civile. Ils vont dire il y a trois grandes conditions pour qu'un acte soit perçu comme de la désobéissance civile. Parce qu'évidemment, la désobéissance civile est une désobéissance, donc ça peut être vu comme criminel. Donc à quelles conditions est-ce qu'on convertit quelque chose de criminel en quelque chose de politique ? Et ils vont dire, il y a trois choses. La première, c'est d'être public. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet apparaisse publiquement et revendique publiquement son action de désobéissance. Donc ça s'oppose au bandit, par exemple, qui fait ça caché la nuit. Là, vous allez publiquement, aujourd'hui ce serait devant les caméras, les faucheurs volontaires, par exemple, il y a la presse qui est là. Donc vous ne cachez pas votre action, mais vous publiquement, vous exprimez dans l'espace public, moi, je désobéis à la loi. La deuxième condition qui me semble très importante, c'est qu'on ne le fait pas, on le fait au nom de son appartenance à l'État, justement. C'est-à-dire que la désobéissance civile, c'est rendre possible le fait qu'une loi particulière peut être illégale au nom de la Constitution ou des valeurs de la société, que ce que la société considère comme juste. Donc vous désobéissez jamais à une loi particulière au nom d'une opinion personnelle. Vous invoquez un principe supérieur, un principe constitutionnel auquel vous dites que vous vous revendiquez, et c'est au nom de ce principe constitutionnel que vous désobéissez à une loi particulière. L'exemple par excellence a été, par exemple, quand Noël Mamère a marié deux hommes à Bègle en 2004, il a fait un acte de désobéissance civile à l'état pur, c'était public, et c'était pas du tout par conviction personnelle seulement, c'est-à-dire dans la Constitution, il y a la notion d'égalité, qui est supérieure à une loi discriminatoire, donc j'applique la Constitution au détriment de la loi. Et puis la troisième chose, c'est l'acceptation de la sanction. C'est-à-dire que le sujet politique est à la fois public et responsable, c'est-à-dire dit, évidemment, en tant que je ne m'inscris pas dans une démarche anarchiste ou de critique de l'État, mais dans une démarche de citoyen, en quelque sorte, je reconnais le fait que l'État doit me punir et j'accepte la punition. C'est-à-dire que le jeu de désobéir, être puni, fait partie de la désobéissance civile et c'est même thématisé par Soro, par exemple, par cet éloge de la prison, en quelque sorte, parce que ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'on va publiquement interpeller l'opinion en montrant que ceux qui sont contre l'esclavage finissent en prison et ceux qui sont pour sont libres, et donc ça mettra en évidence la violence de l'État, l'illégitimité de l'État, et ça permettra d'interpeller l'opinion pour transformer l'état des choses. Donc ce qui me semble très important dans la désobéissance civile, c'est que pour que cet acte soit perçu comme un acte politique, il faut qu'il soit public, il faut qu'il soit assumé par un sujet responsable, et il faut qu'il se fasse au nom de l'appartenance à l'État. Mais du coup, le sujet n'est pas anonyme, pour en revenir à ce que vous disiez au début sur l'importance de l'anonymat pour mener certaines actions. Exactement, et c'est pour ça qu'à mon avis, les limites de la désobéissance civile ou... Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on a tort d'assimiler Snowden, Assange et Manning à des désobéisseurs civils, puisque de deux manières différentes, ils ont pris leur distance avec ce type de modèle. D'une part, soit ils ont dit « moi, je ne vais pas du tout me constituer comme sujet public ». Je ne vais pas publiquement revendiquer mon geste, mais je vais agir de manière anonyme. En même temps, tout le monde les connaît. Alors, Manning, par exemple, il a été dénoncé par une taupe de la FBI qui était infiltrée dans l'armée et qui a sympathisé avec lui. Et donc, un peu bêtement, il lui a avoué que c'était lui la source. Mais normalement, il aurait dû rester caché. Mais le principe même de Wikileaks, l'organisation dont Julian Assange est le fondateur, c'est de faire proliférer des sujets qui vont agir anonymement, ou un peu comme les Anonymous, c'est-à-dire de rendre possible le fait d'avoir une action politique sans sujet public, sans revendication publique. Et donc ça, c'est évidemment une rupture très forte avec la figure du sujet qui domine la scène politique traditionnelle telle qu'elle va jusqu'à la désobéissance civile. Et la deuxième chose, c'est la notion de responsabilité, c'est-à-dire de reconnaître son inscription dans le jeu de la pénalité et de reconnaître l'État comme ayant le droit de me punir. Et des gens comme Snowden qui fuit à Hong Kong ou des gens comme Assange qui a passé sa vie à migrer, en fait, à chercher des territoires où il serait en sécurité par rapport à l'ordre de la loi, c'est des individus qui disent « je ne me constitue pas comme sujet responsable, je défie la loi ». Et donc mon hypothèse, c'est par exemple que Snowden n'est pas un désobéisseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas transgressé la loi américaine, mais c'est quelqu'un qui a divorcé de la loi américaine, qui a dit « ça n'est plus ma loi, elle ne s'applique plus à moi ». Il a rompu le contrat tacite entre un citoyen et son État. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un lieu très important, la distance entre ce que font Snowden, Assange et Manning et la désobéissance civile, c'est que c'est le lieu de la réinvention d'une politique où on voit qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'action ou comme type de subjectivité qui sont entravées par les formes traditionnelles de la contestation. Il nous reste un son à écouter que vous avez apporté, Geoffroy de la Gannerie. Alors on l'écoute et vous nous direz pourquoi ensuite. Je ne voulais pas changer le monde, je ne voulais pas changer la politique de mon gouvernement, je voulais simplement que nous soyons dans une démocratie représentative et que les gens que nous élisons représentent les gens, pas une classe particulière, pas une organisation particulière, mais le peuple. Et ils le font sur la base de nos votes, des valeurs que nous avons en tant que société. Et quand des programmes ont commencé à fonctionner de plus en plus dans le secret absolu, on a commencé à avoir ce divorce entre nous et les opérations qui ont été menées. On était écartés de la nature même et de la compréhension de notre société. Parce que quand on en arrive à la démocratie, Le gouvernement est fondé sur l'idée d'un consentement des gens qui les ont élus. Donc, et en fait, le public doit savoir ce qui se passe. Et depuis que nous avons commencé à comprendre ce qui s'est passé, il y a eu un changement assez important. J'ai vu une enquête qui a été menée rapidement il y a quelque temps au Canada. Et quand on regarde ce que disent les utilisateurs d'Internet à travers le monde, et d'après un échantillon représentatif, un tiers au moins ont entendu parler des révélations de l'année dernière. 40% ont pris des mesures pour rendre leur vie plus sûre. Donc, ça veut dire qu'il y a des millions de gens, des citoyens du monde entier, qui se sentent mieux protégés dans leur communication qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Geoffroy Lagrange ? C'est un extrait d'Edward Snowden, qui était un entretien qui était lyrique avec Amnesty International et Nicolas Demorand. Et déjà, j'étais très heureux à l'idée qu'on entende sa voix, parce que c'est vrai que l'enjeu de mon livre, c'est quand même aussi de parler d'eux, de faire de la théorie politique, mais quand même d'être ancré sur la vie, sur des gens réels. Et je trouve que c'est important d'entendre leur voix, ce qu'ils ont essayé de faire. Et la deuxième chose, c'était que, évidemment, il y a tout ce versant dans mon livre sur la théorie politique, l'anonymat, l'espace public, la désobéissance civique, mais la première partie porte néanmoins sur ce qu'ils ont voulu faire, qui est la question de la critique de la logique de l'État au moment de la guerre contre le terrorisme et la prolifération, et donc évidemment dans le contexte d'aujourd'hui c'est particulièrement important, de mesures de surveillance, de prolifération de secrets d'État, qui fait que selon Snowden et Assange notamment, on mute, c'est-à-dire que petit à petit se crée une autonomie de la sphère de l'État par rapport à ce que les citoyens ont connaissance, et quand on entre dans un État comme ça, où il y a un divorce entre ce que les États mettent en place au nom de la sécurité nationale et ce que les citoyens savent, eh bien, on n'est plus en démocratie. Parce que la démocratie, c'est les citoyens qui surveillent l'État, ce n'est pas les États qui surveillent les citoyens. Et si jamais il y a une autonomie de la logique de l'État par rapport à la connaissance qu'en ont les citoyens, eh bien, ça veut dire que l'État va fonctionner comme un dispositif d'assujettissement par rapport à nous-mêmes et pas comme un dispositif de gouvernement. Ce n'est pas du tout des anarchistes, Snowden et Assange. C'est ça qui est important de comprendre dans ce que vous dites. La remise en question d'une certaine structure, d'un certain fonctionnement de l'État ne conduit pas nécessairement à l'anarchisme, donc au refus de toute forme de... Je vais dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce que Assange dit très bien, il dit que l'État, ça doit être un outil qu'utilisent les gouvernés pour se gouverner eux-mêmes. C'est un instrument et le droit... Ça, c'est Assange, dis ça. Exactement. Okay. C'est un outil extrêmement puissant qu'il faut conserver. Le droit, c'est très important, etc. Donc, il s'agit de comprendre que l'État est un outil que le peuple se donne à lui-même pour se gouverner. Foucault ne disait pas autre chose, si ? Non, c'est pas forcément totalement différent, même si je pense pas qu'il emploierait les mêmes mots. Non. Mais en tout cas, le fait que c'est se gouverner soi-même par l'intermédiaire d'outils qui s'appellera l'État. Donc, il s'agit que les gouvernés, effectivement, possèdent et connaissent ce qui se passe dans l'État, qui ne doit pas fonctionner comme une boîte noire. Or, la question qui est très importante par rapport à ça, ce que dit Assange, c'est que c'est quand les États s'émancipent du droit qu'on est en anarchie. C'est-à-dire que si les États se donnent le droit de suspendre le droit et de faire des mesures d'exception, alors c'est le règne de l'arbitraire, c'est le règne du pouvoir exécutif qui n'a plus à rendre de compte. Et c'est ça l'anarchie, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que c'est l'État qui est plus fort que les citoyens. Donc lutter contre les programmes de surveillance, lutter contre les secrets d'État, c'est lutter pour l'État. C'est lutter pour la démocratie, contre l'anarchie que l'État veut instaurer pour gouverner nos vies contre nous-mêmes. Bon, les nouveaux chemins, c'est pas l'anarchie, mais une forme d'égalité peut-être. En tout cas, c'est vous qui proposez la chanson de fin, Geoffroy Lagannerie. Vous voulez la présenter avant qu'on l'entende ou... C'est Luz Casal ou Nagno di Amor pour finir sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Lo nuestro se acabó y te arrepentí. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Sur une note plus joyeuse, mais il me semble que la lecture de votre livre ne rend pas malheureux, Geoffroy de Lagannerie. Non, mais c'est un très bel extrait parce que dans Talons aiguilles d'Almodovar, cette chanson est utilisée par un policier qui en fait se maquille, devient transformiste et fait des choses qu'il ne pourrait pas faire s'il assumait son identité. Et donc pour moi, c'est un peu comme l'anonymat, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut créer des écrans entre ce qu'on est et ce qu'on fait pour faire plus de choses et se réinventer soi-même. ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa? Quelle voix en effet. Un grand merci Geoffroy de la Gannerie de vous être prêté au jeu de l'invité mystère aujourd'hui. C'est pas facile, il faut beaucoup de courage. Alors je vous remercie. Je remercie aussi Tristan Grenassia, grâce à qui cette émission a été préparée et elle a eu lieu. Nicolas Berger à la réalisation évidemment. Puis je trouve ça assez amusant que finalement qu'un penseur de bienfaits de l'anonymat soit mon invité mystère aujourd'hui. Ça tombait très bien. Alors je rappelle le titre du livre L'art de la révolte, Snowden, Assange et Manning, aux éditions Fayard. Un livre à lire évidemment donc. Los momentos felices que te hacen vivir y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pourquoi continuer à faire de la littérature en temps de guerre? Réponse avec la publication de deux textes de Renato Serra, traduits pour la première fois en français, aux éditions de la revue Conférence. Réclamer pour nous tous le droit de faire de la littérature malgré la guerre. C'est sur ces mots, avec une demande en fait, celle d'un droit à la littérature, que Renato Serra ouvre son court texte « Examen de conscience d'un homme de lettres » qui date de 1915. Et c'est cette même exigence que la littérature persiste à tout moment, même dans les pires comme la guerre, que l'on retrouve dans son deuxième texte « Départ d'un groupe de soldats pour la Libye » écrit lui en 1912. Alors ces deux courts textes de Renato Serra qui sont traduits pour la première fois en français constitue donc cet ouvrage paru aux éditions de la revue Conférence. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Renato Serra est un critique littéraire italien né à la fin du 19e siècle et mort en 1915 à l'âge de 30 ans en pleine guerre. Il occupe une place singulière dans le champ littéraire du début du 20e siècle, ni idéaliste ou avant-gardiste, ni pragmatiste et ni intuitionniste. Et en fait, on peut qualifier Serra de conservateur moderne qui aime se tenir à l'arrière-garde. Et c'est vrai que dans ses pages, on retrouve une écriture relâchée, qui tient à rester à l'arrière des événements, qui tient en fait à exercer son jugement librement à l'écart de l'agitation des temps troublés. Ses textes ne sont donc pas à proprement parler des critiques littéraires, mais bien une interrogation presque existentielle sur le rôle de la littérature. Qu'est-ce que la littérature dans un tel suspense comme la guerre? Comment écrire l'histoire de l'immense alors que l'esprit est comme vide face au tragique de la vie? Mais même plus qu'une interrogation, on trouve dans ces très belles pages un sentiment, celui de la responsabilité de faire de la littérature, car si la guerre ne change rien à ce qu'on est, alors faisons de la littérature, au moins pour dire la petitesse de nos vies. Je rappelle le titre de ces deux textes, c'est « Examen de conscience d'un homme de lettres » et « Départ d'un groupe de soldats pour la Libye », c'est de Renato Serra et paru aux éditions de la revue Conférence. Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine où vous aurez l'occasion, chers auditeurs, de découvrir les 5 débats que nous allons enregistrer demain samedi à la Sorbonne. 5 débats avec des philosophes contemporains, l'année 2014 vue par la philosophie et début année 2015 évidemment. Ce sont les forums organisés par France Culture dans chaque discipline. Rendez-vous demain donc pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'inscrire avant la fermeture des inscriptions, et puis sinon lundi pour la diffusion du premier des débats. Rémi Fraisse, faut-il mourir pour la nature, avec Cynthia Fleury, Catherine Larère et Rabzing Kouchouyan. Et enfin, si jusqu'à lundi vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir par Raphaël Antoven et Paola Reymann. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous y trouverez les indications bibliographiques, cinématographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'installer sur votre ordinateur ou votre lecteur MP3 et de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. « Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où tous les jours nous mettons en ligne l'émission du jour. Et pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.